Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la fritouille ce matin ? Wesh, gros, tranquille. Et pourtant, dans ce paradis fiscal qu'est ma nuit, j'ai rêvé que l'État nous arrosait de subventions, qu'on se gavait de stock-options et qu'on arnaquait les salariés. On était grand patron. Mais bon, ce matin, j'avais la nausée, dis donc. Enfin bref, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, ce matin, professeur Colin, le dossier Epsilon numéro 30 s'annonce zénital. Zénital ? Foutre Dieu ! Mais qui donc est-ce ? Martine Aubry devant... personne ? Arrêtez, dimanche dernier au Zénith, ils ont rempli un rang sur 6. Bon d'accord, ça ne cassait pas des briques, mais moi, je vous offre la première. Attention, c'est parti, Idole. Idole ? Idole Chevita, c'est Thierry Morin et ses 3 millions d'euros de bonus. Oh non, vous valez au mieux que ça. Allez, concentrez-vous, voici la deuxième brique. Manet. Manet, Édouard Manet, déjeuner sur l'herbe, l'idole des jeunes, c'est Johnny Hallyday. Ah non, non, franchement, notre passion ne joue pas vraiment dans la même catégorie. Faites gaffe, dernière brique, grunge. Ah, ok doc. L'idole des jeunes grunge, nous accueillons ce matin le formidable rocker Kurt Cobain et son groupe Nirvana. Excellent dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de cet écorché vif. Maniez-vous le train, les jeans troués, et apportez au labo le dossier de monsieur Cobain. Allez Kurt, à table. C'est quoi ? Quoi ? Ce que tu jouais là ? Oh, c'est un truc que j'ai écrit. T'as écrit une chanson ? Ok, vas-y, chante-la. Non, c'est trop nul. Il y a moyen de l'entendre, Kurt Cobain. Ok, mais je chante comme une casserole. On s'en fiche. Kurt Donald Cobain chantait-il comme une casserole ? Rien n'est moins sûr, car il fut avant tout l'incarnation d'un sentiment de rage et de colère. Ce fut un rugissement contre l'avènement du fric et frime dans les années 80 et qui s'est achevé par le suicide de notre patient le 5 avril 1994, il y a tout juste 15 ans. Alors, sans plus attendre, débutons notre séance par la première intervention clinique du professeur Mauduit qui va nous exposer immédiatement ce qui nous turlupine précisément au cœur de la structure mentale de notre patient. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tarabuste dans ce dossier ce matin, ce sont les véritables origines de la geste chez Kurt Cobain. Certes, sa nonchalante désinvolture, sa langueur crasse et ses dépressions chroniques furent assurément sa marque de fabrique. Mais cette image d'écorché vif ne fut-elle pas le simple fruit d'une posture préfabriquée de rockstar ? Je ne sais si vous connaissez dans votre entourage de ces gens toujours fatigués que l'on nomme les asthéniques. Ils le sont souvent dès l'enfance. On les traite bien vite de paresseux sans penser qu'il y a beaucoup de sortes de paresse et que certaines ne sont susceptibles d'aucune appréciation morale. Leur univers est paradoxalement proche et lointain du nôtre. Il ne comporte aucune anomalie. Et cependant, ces mêmes choses que nous faisons et dont ils semblent capables, ils sont souvent devant elles foncièrement impuissants. Oui. L'authentique et formidable incapacité de Kurt Cobain à se plier aux normes sociales de son temps demeure plus que jamais fascinante. D'autant plus qu'à l'heure où l'économie boursière vient de s'effondrer, Kurt Cobain apparaît évidemment comme un prophète quant à l'avenir tout moisi que nous préparaient alors les années 80 avec cet avènement du pognon facile. Néanmoins, nous avons maintenant 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre guitariste électrique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre patient révolté et dépressif par l'une de ses mélopées soutenue par un merveilleux riff. N'intéresse pas, pour ainsi dire, à la psychologie pure, parce que rien n'est pur dans ce monde. Tout est extrêmement complexe et il ne faut pas penser jamais à une situation humaine en croyant qu'il y a une seule cause de ce qui arrive. On doit toujours se rappeler que l'être humain est un amphibe, un amphibe multiple qui habite simultanément plusieurs mondes. Avant tout, nous remercions l'insigne professeur Aldous Huxley pour ce préambule amphibien au cas complexe du patient auquel s'intéresse ce matin le ministère psychique, un dossier aux méandres mentaux anticonformistes et plutôt grunge, à savoir le cas Kurt Cobain. Le 20 février 1967, à Aberdeen, dans l'état de Washington, sur la côte ouest des States, naît le petit Kurt Donald Cobain. D'une famille modeste, Kurt est traumatisé par le divorce de ses parents et par l'absurdité du monde qui l'entoure. L'adolescent se fait donc rebelle, quelque peu provocateur même, et refuse en bloc les normes d'une société dans laquelle il ne trouve pas sa place, ce qui tracasse évidemment beaucoup son daron et sa daronne, Mr. and Mrs. Cobain, plantés devant leur télé. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Je sais pas. On n'a qu'à le foutre dehors. Tu m'as trahi! Non, ça c'est hors des questions, il partira je pas d'ici. Je t'ai pas trahi, je t'aime encore. J'en ai ma claque de tout ça, je supporte plus. C'est comme ça que tu le prouves. Bravo. Ce canado est grand. Il prend de la drogue, il traîne tout le temps avec des petits cons. Non, mon Claude touche pas à la drogue. Si, il y touche, mais enfin, ça sent un max sur ses freins quand il revient. Qu'est-ce que tu racontes, il peut le sentir. Il fume de la cam. Il traîne avec ses copains. Ces skateurs cradingues. C'est une bande de petits hallucinés. J'ai jamais vu ça. Eh oui, tout gamin, Kurt Cobain traîne avec ses copains dans un univers fait de soirées arrosées et enfumées, puis de nuits passées dans les garages et les caves, où ces ados se donnent à leur passion, tripoter leur gratte, à la recherche de nouveaux sons et de nouvelles sensations, véritablement underground. On se connaît maintenant. Et puis, on a un groupe, on est musiciens, nous aussi. Ah ben, on est ravis pour vous. Ouais, vous savez qu'on a entendu parler de vous, déjà. Par notre nouveau synthé, José, vous connaissez? Ah, c'est avec vous qu'il est parti, José? Oui, oui, il savait très bien qu'avec son ancien groupe, hein, il irait pas très loin. Vous avez pas envie de faire comme lui et de venir avec nous, vous aussi? Non, merci. Pour l'instant, tout va bien. Puis maintenant, ça suffit. On a été gentils, on a été polis, mais bon, faut pas abuser. Oh, arrêtez de faire les bêcheuses. Vous êtes tellement mignonne. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est mignonne. Sublime, même. Approche-toi. Ça va pas, t'es folle. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ah ben, c'est ça aussi. Kurt et les garçons. Krist Novoselic et Chad Channing, avec lesquels va se former le groupe Nirvana pour la recherche intense d'un état de plénitude. Car en ce début des années 90, où le monde change, sans mur de Berlin, mais avec des scuds en Irak, le sentiment de l'absurde, tel que l'analysait en 1951 Albert Camus, reprend alors tout son sens. Le sentiment de l'absurde est un sentiment parmi d'autres. Qu'il ait donné sa couleur à tant de pensées et d'actions entre les deux guerres prouve seulement sa puissance et sa légitimité. Si donc il était légitime de tenir compte de la sensibilité absurde, de faire le diagnostic d'un mal tel qu'on le trouve en soi et chez les autres, il est impossible de voir dans cette sensibilité et dans le nihilisme qu'elle suppose rien d'autre qu'un point de départ, une critique vécue, l'équivalent sur le plan de l'existence du doute systématique. Après quoi il faut briser les jeux fixes du miroir et entrer dans le mouvement irrésistible par lequel l'absurde se dépasse lui-même. Le miroir brisé, il ne reste rien qui puisse nous servir pour répondre aux questions du siècle. L'absurde, comme le doute méthodique, a fait table rase. Il nous laisse dans l'impasse. Mais comme le doute, il peut, en revenant sur lui, orienter une nouvelle recherche. Le raisonnement se poursuit alors de la même façon. Je crie que je ne crois à rien et que tout est absurde, mais je ne puis douter de mon cri et il me faut au moins croire à ma protestation. La première et la seule évidence qui me soit ainsi donnée, à l'intérieur de l'expérience absurde, est la révolte. La révolte, c'est celle que le groupe Nirvana fait passer à travers sa musique et ses textes, pour un succès planétaire en 1991 avec l'album Nevermind, aujourd'hui devenu un classique. La révolte de Nirvana, c'est aussi le mouvement grunge, et c'est surtout une posture face à la morale sociale critiquée et rejetée. Grunge, cela veut dire crasse. Ce n'est pas un nom très appétissant, mais ce qui le justifie, ce sont davantage des considérations visuelles que musicales. Les musiciens de ce courant du rock américain de la première moitié des années 90 s'habillaient de façon négligée, avec de vieux jeans usés, troués, des chemises à carreaux délavées sur des t-shirts quelconques, des cheveux longs en bataille, des baskets. Bref, nous sommes à l'extrême opposé de la sophistication vestimentaire des rockers anglais. De l'eau, du savon, du soleil, c'est pour tous la santé, la gaieté, la propreté. De l'eau, du savon, du soleil, tout est blanc vivement. De l'eau, du savon, du soleil, voilà sans doute la trilogie opposée à celle de Kurt Cobain, pour qui de l'alcool, de la drogue et des excès deviennent le quotidien. Oui, Kurt est le moteur de sa propre destruction et le succès fulgurant de cette jeune rockstar n'enlève rien à son mal-être, car Kurt Cobain n'est qu'un cri. L'humeur changeante. Un bon exemple, c'est Kurt Cobain, qui passe du cri au chuchotement, de la douleur à la joie, de l'érotisme le plus complet dans la voix, dans le corps, à l'abstinence la plus absolue, du désir donc de vivre et d'aller au bout de sa vie avec l'envie permanente de se tuer. L'envie permanente de se tuer, c'est le mal-être cobainien, car le quotidien de Kurt est une autodestruction où le mélange des alcools et des drogues fragilise sans cesse et de plus en plus intensément une star au psychisme fragile. Je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai maigri, je suis aigri. Je suis malade, je fais plus pipi ni caca, je suis pas vieux mais j'en peux plus. Je n'en peux plus, ils vont me tuer. Oui, ils m'ont eu, je vais crever. Le monde du rock est en deuil. Kurt Cobain, fondateur du trio Nirvana, chef de file du mouvement musical grunge, s'est suicidé dans son appartement de Seattle aux États-Unis. Il était âgé de 27 ans. À 27 ans, c'est donc la fin du chemin terrestre de Kurt Cobain qui traumatise ses millions de fans en se tirant une balle dans la tête à Seattle le 5 avril 1994. Le mythe, déjà lancé de son vivant, se transforme en légende. Dans sa lettre d'adieu, Kurt Cobain explique son geste en affirmant qu'il est quelqu'un de trop erratique, de trop instable et qu'il n'a plus de passion, avec cette sentence fatale et terrible, je cite, « Rappelez-vous, il vaut mieux brûler franchement que s'éteindre à petit feu. » Une vision du monde beaucoup trop sinistre pour notre société qui adore les paillettes et la joie clinquante du bonheur formaté. Alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de M. Kurt Cobain représente un danger pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, telle une 22 long rifle, j'ai crânement ouvert le dossier de Monsieur Kurt Cobain. Et je peux vous dire que nous avons affaire à du lourd avec ce héros fourré d'héroïne. Oui, Kurt, disparu trop jeune, a suivi la voie royale de la rockstar. Ce coursou sonorum de l'étoile filante dans la digne file d'un Jimi Hendrix, d'un Ian Curtis, d'un Jim Morrison ou d'une Janis Joplin. Monsieur Kurt Cobain a su trouver toutes les clés qui transforment un quidam en icône. Rien ne lui a échappé. Ni le talent, ni le panache, ni la souffrance. Kurt Cobain a poussé la panoplie de rockstars en s'offrant ce que les groupies du monde entier détestent le plus. La nana de la star qui s'incruste dans le groupe. Ces harpies qui débarquent pour piquer la star aux groupies. C'est un classique, il y en a toujours. Pour John Lennon, ce fut Yoko Ono. Pour Kurt Cobain, ce fut Courtney Love. Oui, avec Courtney, cette héroïne au petit-déj et scandale à portée de main. Ah, ces rockers, quels incorrigibles! Et regardez, professeur Colin, aujourd'hui, nous vivons un peu la même chose, ici, en France. La pop star du capitalisme libéral et de la politique spectacle, Nicolas Sarkozy, avec son groupe underground l'UMP. Il avait développé l'économie grunge, où tout était possible, bien crade, sans limite, rejetant d'un geste rebelle toutes les règles sociales et en même temps le code du travail. Oui, Nicolas Sarkozy et Kurt Cobain, c'est le même combat. Kurt à Seattle s'attelle à critiquer le monde, tandis que Nicolas, à Neuilly, se rit de quelques décennies d'acquis sociaux. Il n'est qu'à regarder la pochette de l'album phare de Nirvana intitulé Nevermind et sorti en 1991. Un véritable condensé du programme sarkozyste. On y voit un bébé, souriant, nageant dans une eau bleue pâle à la poursuite d'un gros bifton. La métaphore est belle, nager plus pour plus de pognon, quitte à se noyer. Et quand la star Nicolas se pavana enfin au Nirvana élyséen, Voilà qu'elle est arrivée, la groupie vampirisante, celle qui lui colle au basque. Non, pas Carla Bruni, mais la crise, la terrible crise financière, celle qui oblige Nicolas à parler social, celle qui le conduit à critiquer ses meilleurs potes, les grands patrons, qui, eux, continuent à se goinfrer peinards dans leur coin. Ah ben, d'un coup, après les fanfaronnades de la campagne électorale du président du pouvoir d'achat, on découvre la version unplugged du libéralisme. Mais cette fois-ci, Kurt sensible s'abstenir. De la crise, les patrons, ils n'y voient qu'Oben. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Autodestruction non autorisée et critique directe de notre société avec cheveux gras et jeans troués. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à décrypter les raisons du succès de la psyché torturée de notre patient. Un génie véritablement étrange, mais peut-être pas autant que celle qu'il a épousée en 1989, l'incontrôlable Courtney Love. Fouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir découvert les grandes étapes existentielles qui ont façonné la structure mentale de notre patient à fleur de peau, il est temps, me semble-t-il, d'essayer de comprendre pourquoi la psyché en rébellion de Kurt Cobain a rencontré un tel succès planétaire en si peu de temps. Avant tout, n'oublie jamais que son groupe de rock Nirvana est apparu à un moment charnière de l'histoire. C'était en 1989, au moment même où Berlin et le monde s'enivrait de la chute du mur. Ce fut la fin d'une époque et la jeunesse entrait alors de plein pied dans une nouvelle décennie, comment dire, assez étrange. C'était dans une période décadente qu'on a appelée les années 90. Années 90? J'ai jamais entendu parler. Oh, c'était une époque merveilleuse. La guerre en Irak était finie une bonne fois pour toutes et les jeunes gens croyaient pouvoir réaliser leurs rêves grâce à un nouveau feuilleton, Melrose Place. Comme tous les jeunes, j'avais un rêve musical. Un rêve inoffensif de musique urbaine faite de hip-hop et de variétés légères. Bon, tout le monde est prêt pour les harmonies? Hum, hum, J'en peux plus. Nos harmonies traditionnelles n'ont aucun sens dans ce monde cruel. Notre musique va virer de bord. Une guitare rock qui utilisera l'énergie nihiliste cradingue. Et je l'appellerai grunge. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Oui, à l'aube des années 90, la dissolution du bloc soviétique se présentait tout d'abord comme la promesse d'un avenir meilleur, puisqu'il s'agissait évidemment d'un vent de liberté. Seulement voilà, la fin du communisme soviétique signifiait aussi que désormais, un capitalisme sournois et sauvage, associé au retour d'un puritanisme forcené, s'apprêtait à prendre violemment possession du monde. Au passage, c'est à cette époque où l'économie mondiale s'est encore un peu plus débridée que se sont instaurés les parachutes dorés, qui n'ont donc rien à voir, bien entendu, avec l'esprit de mai 68. Toujours est-il que la désillusion de la jeunesse des années 90 fut immense, car le chômage empirait et le futur était tout pourri. Alors forcément, les ados attendaient un déclic à la hauteur de leur désespoir. Il faut attendre l'arrivée du grunge, des gens qui venaient de Seattle avec le groupe Nirvana. Et là, on a quelque chose de nouveau. On a quelque chose qui est à nouveau subversif dans le contenu, justement, parce qu'il faut savoir qu'au même moment, l'Amérique n'est plus du tout l'Amérique libérale des années 70. Ça redevient une Amérique très coincée, ça redevient une Amérique très puritaine. Il y a des groupes de pression qui sont de plus en plus importants, de plus en plus offensifs, comme le fameux PMRC, c'est-à-dire un mouvement de femmes de sénateurs, qui veut imposer sur certains disques de rock un label où il serait écrit « ce disque contient des paroles explicites », ce qui revient littéralement à interdire ce disque de distribution. C'est comme, si vous voulez, en France, interdire un journal à l'affichage. Ça revient exactement au même. Donc, contre cela, il faut quelque chose, il faut que le rock retrouve cette énergie subversive, et je crois qu'elle l'a retrouvée avec des groupes comme Nirvana. C'est ainsi que l'énergie subversive de Nirvana, associée à la souffrance psychique de Kurt Cobain, ont eu un écho colossal auprès d'une jeunesse alternative désabusée. Et comment ne pas l'être, d'ailleurs, devant cette télévision outrancière, par exemple, qui couvrait en boucle la première guerre du Golfe, avec pour la première fois, souviens-toi, l'incrustation permanente sur l'écran des soubresauts des places financières. Un peu comme s'il fallait que la jeune génération intègre désormais qu'à partir des années 90, le monde ne pourrait plus se lire autrement que par les humeurs boursières. C'est pourquoi, face à ce triste sort, l'attitude grunge de Kurt Cobain résonnait alors comme une authentique alternative. Très bien, sauf que bien sûr... Lorsque les groupes qui se veulent marginaux inventent une antimode, par exemple le grunge en ce moment, ce marginalisme est vite absorbé et l'antimode devient la mode. Seule la non-mode est peut-être irrécupérable. C'est l'indifférence qui ne se laisse pas entamer. Ah non, moi ce que j'aime avec le grunge, c'est que ça rassemble toute une communauté d'esprits autour d'un même désir de dire « fuck » à la culture hégémonique de la beatbox. Bam, bam, bam. Moi, c'est un cœur qui bat ici, et pas un ordinateur plein de samplers. Je suis grunge. C'est aussi l'avis de Robert Hue, le secrétaire national du Parti communiste. Il est au micro d'Isabelle Dor. C'est une mondialisation qui aujourd'hui se fait avec les puissances financières, avec les marchés financiers, et elle entraîne des conséquences effroyables sur la planète. Des inégalités qui grandissent, le chômage, la précarité. Nous voulons une autre mondialisation. Eh oui, quelque part, même Robert Hue voulut devenir grunge dans les années 90, sans doute dans l'espoir de canaliser l'esprit contestataire des fans de Kurt Cobain. En effet, le communisme s'effritait de plus en plus et le grunge devenait ainsi un substrat d'opposition à la civilisation du profit individualiste. Mais voilà bien le problème, car l'esprit frais et insaisissable du grunge s'est perdu dans sa popularisation à contrôler. Au départ, c'était un mouvement à la marge et son succès l'a propulsé malgré lui dans la norme. Il devenait alors moins dangereux. Et pourtant, comme chacun sait, y compris dans le rock et surtout pour Nirvana, les fulgurances les plus courtes sont toujours les meilleures. Résultat, partout dans le monde, les jeunes mécontents se revendiquaient grunge. De Tokyo à Rio, les ados portaient des jeans déchirés et le cheveu gras. En moins de 5 ans, Kurt Cobain est devenu une icône mondiale. Mais si au départ, Il s'agissait bien d'un mouvement musical novateur, puriste et sans concession. Encore une fois, c'est très vite devenu n'importe quoi. J'ai mon boa, mon vieux chapeau, ma robe à fleurs, et mon mégot, mon parasol, et mes fossiles, et une boussole sur mon nombril. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Oh, oh, oh, oh, oh. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata yo-yo, des tas d'oiseaux, on m'a même dit qu'un grelot. Tata yo-yo, mais moi j'aime ça, quand ça fait ding-ding comme une samba. Néanmoins, malgré cette récupération croquignole du mouvement grunge, il ne faut jamais oublier que Kurt Cobain fut sans aucun doute un précurseur, brouillon certes, mais si lucide, dans la dénonciation d'une société occidentale où ceux qui refuseront les logiques de la normalisation individualiste auront encore plus de mal à exister qu'auparavant. En gros, plus aucune place pour les faibles, marche ou crève. Ainsi, l'aube des années 90 n'a fait qu'annoncer cette crise qui nous percute aujourd'hui de plein fouet. Cela dit, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, que Kurt Cobain fut également l'avant-gardiste d'une curieuse philosophie religieuse devenue par la suite à la mode. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et constatons ensemble que notre patient avait assurément les atouts d'un gourou en pyjama orange. L'interne, venez goûter au nirvana! Allez, hop! Démonstration! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Hey man. Professeur, pardon. Le patient du jour serait donc le tant regretté Kurt Cobain. Eh bien, sachez que si ce chanteur so grungy a été le symbole de toute une génération moderne, il a fallu se référer à des notions ancestrales pour l'analyser. Et si Kurt Cobain n'était rien sans son groupe, c'est aussi parce que Nirvana, c'était bien plus qu'un teen spirit. Dans le bouddhisme, c'est ce qu'il y a au-delà de l'expérience, le nirvana. On atteint un état qu'on ne peut pas décrire, qui est absolument au-delà de toute expérience terrestre. Et là, on est vraiment dans un domaine qu'on ne peut plus appréhender par les mots, mais qui est un état de béatitude. Le Bouddha n'en parle même pas. Il s'arrête avant. Et oui, avant même de sombrer dans la négative attitude, Kurt Cobain n'avait pas nommé son groupe Nirvana par hasard. Il s'était bel et bien senti investi d'une mission spirituelle bouddhiste. Je crois qu'on est toujours récompensé de nos bonnes actions. Faire du mal, c'est le retour de bâton assuré. C'est vachement beau. Et si t'arrêtais les médocs, c'est vrai, tu vois, j'ai peur qu'ils soient pas bons pour toi. T'as entendu parler de karma? C'est un de tes potes? Je le connais pas encore très bien, mais j'ai l'intention de l'apprivoiser. Si je veux que ma vie soit meilleure, il faut d'abord que moi je sois meilleur. Ainsi, convaincu des bienfaits d'une telle philosophie, Kurt Cobain va alors appliquer à la lettre les préceptes bouddhistes. Mais si bon élève il deviendra, sévère maître il aura. Trop de colère en lui. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. Il n'est pas prêt. Yoda, je suis prêt, je... Prêt, tu crois être. Comment peux-tu savoir? Comment Kurt a-t-il pu savoir qu'il était prêt? Patience il lui a fallu jusqu'à ce que révélation se fît. Vous voyez, mon maître Lama Tochi, qui fut aussi celui du Dalai Lama, a senti vers la fin de sa vie qu'on avait besoin de lui à l'Ouest pour enseigner le Dharma, la voie du Bouddha. Il est donc venu en Amérique, à Seattle, où il est mort il y a 9 ans. Alors nous pensons qu'il s'est peut-être réincarné ici. Habitant Seattle, il n'y avait donc plus de doute à avoir pour Kurt. Il était bel et bien la réincarnation de Bouddha. Ainsi, il s'engagea plus que jamais dans la voie de la sagesse, entraînant avec lui sa chère et tendre Courtney, qui n'avait tout de même pas la même motive. Tu dis quoi? Un article sur le silence. C'est quoi? Ils disent qu'en fait, il faut rester 10 minutes dans une chambre, tu vois, calme et confortable, les yeux fermés, quoi. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Tu vois, genre, il y a même les positions, tu vois, genre yoga, tu vois. Jambes croisées, yeux fermés. Tu veux essayer ? Allez, on essaye. Ok. Alors, comme ça, tu vois, les mains comme ça sur les genoux. Mmh. Et puis tu fermes les yeux. Dis donc, je t'ai dit, tu sais qu'elle va voir. Tu sais quoi, il va y avoir une promotion là. Ça m'embête quand même. Et voilà, une fois de plus, Courtenay vient tout foutre en l'air. Comment ? Non, je ne dis pas ça par jalousie. Je dis ça parce que j'aime Nirvana comme Kurt aimait Bouddha. Mais pour ce qui est de la réincarnation, il y a des fois, vaut mieux pas y croire. Tu casses les miroirs, c'est tous les jours, dimanche matin. Je me rase la tête, j'allume des bougies, car aujourd'hui j'ai trouvé Dieu. Yeah, yeah, ah. Moi j'adore cette émission parce qu'on a... On a la réincarnation de Kurt Cobain qui vient nous chanter un truc dans la langue de Michel Galabru. Donc voilà. Tout est bien. Chaque chose a trouvé sa place. Oh ta gueule, Bouddha. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette véritable enquête qui nous révèle que les réincarnations de Kurt Cobain n'ont franchement pas encore eu lieu. Par ailleurs, fut-il l'authentique Dalai Lama ? Nul ne le sait. Et pour finir, avec ce succès planétaire de la psyché de notre patient, notons malheureusement qu'aujourd'hui, son karma a été récupéré par ce système médiatique qu'il détestait. Après les 100 meilleurs gadins et les 100 meilleurs moments de la télé-réalité, préparez-vous à découvrir une nouvelle émission exceptionnelle, les 100 meilleurs suicides. Avec l'incontournable Kurt Cobain du groupe mythique Nirvana. Attention Kurt, je viens de le charger. Et enfin, retrouvez avec émotion les derniers instants de l'idole de notre jeunesse, Claude François. Dans ma baignoire. Attention Claude, remets le courant. Ok. Ne manquez pas samedi à 20h50 la révélation du classement des 100 meilleurs suicides. Sponsorisé par Valium, Xanax, Lexomil, Estop, Javel Plus, Butagaz et la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Bien. Alors, après avoir eu à l'instant une confirmation à peine exagérée de ce que les années 90 nous ont généreusement légué en matière de télépoubelle, il est temps désormais néanmoins d'entamer l'ultime partie de notre analyse qui consiste ce matin à repérer les influences cette fois de Kurt Cobain et de l'esprit grunge dans notre société post-moderne. Et avant tout, amorçons une nouvelle fois notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre gourou grunge au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée « Last Days à Nevers et contre tous » où nous croiserons les destins tragiques et parallèles de deux hommes de conviction qui furent dramatiquement foudroyés l'un et l'autre par les excès de la grunge attitude et qui se suicidèrent à quelques mois d'intervalle. L'expert jungien, pointez-vous au labo ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Hé hey les gars, vous savez quoi ? Vous êtes dingues, vous êtes cinglés. Vous ne pensez qu'à un seul truc, c'est percer, et vous oubliez un petit détail qui a pour nom la musique ! Mais je m'en tape, j'en ai rien à faire. Coup fatal, hier matin, Kurt Cobain se serait tiré une balle dans la tête. Il laisse derrière lui sa femme, la chanteuse Courtney Love, et leur petite fille d'un an et demi. Et puis... À l'instant même, cette information qui me parvient à prendre pour le moment encore au conditionnel, l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy aurait tenté de se suicider d'une balle dans la tête cet après-midi à 9h. Cette information vient de tomber à l'instant même sur nos téléscripteurs. C'est le problème, être rocker, c'est pas faire des choses parfaites. Mais le rock, c'est d'abord la passion, mec ! Où est la joie ? I'm so happy, cause today found my friends. Dans sa vie privée, ce n'était pas une rockstar. C'était même une sorte d'anti-rockstar, Kurt Cobain. Pierre Périgovois, il était très attaché à ses origines. Il me rappelait ses origines d'ouvrier, ses origines de syndicaliste. Il était très fier de ses origines. Être rocker, c'est quoi exactement ? La révolte doit brûler en toi ! Faire du rock, c'est enfreindre les règles. Il était dans la musique parce qu'il avait quelque chose à exprimer. Sur les albums, on trouve « Si vous n'aimez pas les gens de couleur, les homosexuels et les femmes », un conseil, n'achetez pas nos disques et ne venez pas à nos concerts. Je crois que c'est peut-être cela aussi qui l'a conduit à attacher une grande importance à la nécessité de compétences économiques. Pour bien montrer qu'un ouvrier, un homme qui a un CAP d'ajusteur de fraiseur, est capable d'intégrer les données macroéconomiques. Être rocker, c'est pas se saouler la gueule et faire le guignol. C'est du sérieux. Nous avons une mission. J'entends vider l'abcès de la corruption. J'ai demandé aux gardes des Sceaux de pousser les feux de la justice et du châtiment pour les coupables. Les procédures seront conduites à leur terme dès lors qu'elles révéleront des actes frauduleux commis à des fins d'enrichissement personnel. Bon, écoute, moi je sers la société en faisant du rock, ok ? Monter un super show est le truc le plus important qui soit, tu sais. Un seul bon concert de rock peut changer le monde. Parallèle fascinant, n'est-ce pas ? Et par ailleurs, oui. Sans aucun doute, un bon concert de rock peut changer le monde. Pour s'en persuader, il suffit de se souvenir du festival de Woodstock ou de la prestation des Doors à Miami lorsqu'en mai 1969, Jim Morrison provoqua une gigantesque émeute avec les forces de police pour s'être exhibé nu sur scène au cœur de cette Amérique pudibonde. Alors, je te vois venir et tu vas me dire... Pourquoi ne pas organiser un concert grunge pour tenter d'inverser la tendance dévastatrice de cette foutue crise qui nous pourrit la vie depuis des mois ? Eh bien, figure-toi que ce concert a eu lieu cette semaine à Saint-Quentin dans l'Aisne devant 4000 aficionados et crois-moi, le tempo de la guitare n'était pas sans rappeler celui de Kurt Cobain. Oh guitare, guitare, ma guitare, ouvre-moi bien ton cœur. Mais mon devoir, c'est d'être dans le bon tempo. Pas dans le tempo du dernier sondage, pas dans le tempo de la dernière manifestation. Chaque génération a son icône. Je sais pas, il y a eu ceux qui ont eu Jim Morrison. Sid Vicious. Pas dans le tempo de la dernière agitation, pas dans le tempo du dernier commentaire. Chante, chante, guitare, sous mes doigts, mes chantes de bonheur. Dans le tempo de l'intérêt général français. Et ça, c'est autre chose. C'est le travail du président de la République. Moi, ma génération, il me semble qu'on a Kurt Cobain. Chasse au loin les sanglots superflus, qu'on n'en parle jamais plus. Oui, bon bah, on a le concert grunge qu'on mérite aussi. Cela dit, nous verrons bien si c'est en effet le bon tempo pour favoriser la fraternité nationale face à la mouise. Tiens, par exemple, le bon tempo, celui de l'intérêt général des Français, le vrai boulot du président de la République, eh ben, normalement, ça consiste à interdire, par exemple, que les traders de la banque Natixis se vautrent allègrement dans le nirvana fiscal quand ils empochent 90 millions d'euros de bonus pour l'exercice 2008, pendant que les salariés, eux, se serrent au max la ceinture. Franchement, parfois... T'as envie de prendre une guitare et de leur exploser la tronche. Enfin bon, quoi qu'il en soit, nous sommes loin d'être certains que Kurt Cobain aurait savouré l'ambiance du moment s'il était encore parmi nous. Et pourtant, il aurait été si amusant de le voir fracasser les codes aseptisés de notre système médiatico-médiatique. Oui, Kurt, où es-tu ? All I want's a cracker. Think I should get off her first. Quand on écoute cet album, on se dit, bon, c'est album, voix et guitare. Et c'est merveilleux, on est ravis. Ouais, en fait, t'as été touché par la musique. Je crois que c'est le support musical qui est très très important pour toi avant tout, avant même que de parler d'image. Sire, avec la musique, il vous est possible d'avoir 20 personnes qui toutes parlent en même temps, sans cacophonie, c'est une parfaite harmonie. Ouais, c'est émouvoir et toucher, quoi, de par ses sentiments. L'image, tu t'en fous. Non, mais je suis le meilleur. Ouais, pourtant tu fais un aphorisme à propos de George Michael qui dit que le succès c'est 90% de la séduction. Eh ben j'en ai une véritable nausée, moi, de toutes ces vieilles lunes. Pourquoi faudrait-il sempiternellement ne composer que sur le passé, les dieux et les légendes? Lequel d'entre vous n'écoute pas plus volontiers son coiffeur que Hercule? Ou Horace ou Orphée? Ces braves gens sont tellement loin de nous qu'ils chient du marbre. Revenons un petit peu sur l'album. Je crois qu'en fait, la détermination de faire l'album à trois, c'est plutôt backstage que vous chantiez ensemble, dans le car, dans l'hôtel. Majesté, ce n'est qu'un divertissement. Cette pièce nous parle d'amour. C'est quand même plus sympa. Vous mêlez les voix, vous faites probablement des armes vocales. C'est loin d'être gagné, loin d'être acquis. Merci de nous le confirmer. Donc vous mêlez vos voix backstage ou dans le car. Après, il y a eu la découverte de la scène. Alors au début, tu disais qu'en fait, la scène, c'était pas ton truc. Et c'est vrai que tu défendais un look, c'était le jean, les baskets, le t-shirt, la veste. T'étais comme t'étais dans la vie, tu changeais pas grand-chose. Mais la scène, c'était pas trop ton truc. Or, j'ai lu que plus récemment, après les 18 mois de tournée, t'avais une idée en tête, c'est rejouer devant le public. Donc tu t'es acclimaté, quoi. C'est cette relation d'amour que t'as eue avec le public qui te manque. Qui vous a dit cela, Majesté? On va attaquer tout de suite. Une question de Maryse qui habite Vaud. Vaud. Bon. Quand avez-vous eu l'idée de faire ce groupe? Hein? D'accord, ils en ont rien à foutre, ça fait plaisir, merci. Pardonnez-moi, Majesté. Je suis vulgaire, je l'admets. Mais je vous assure que jamais ma musique ne l'est. Oui, c'est ça. Bien, merci d'être passé ce matin. Eh ben, broke your legs, comme disent les Américains. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous bien sûr samedi prochain. Excellente journée et bon dimanche. Sincèrement, avoue que ces scènes absurdes nous manquent et que notre monde souffre réellement de l'absence d'une certaine folie. Il faudrait, à l'instar des propos d'Albert Camus, que nous avons entendu tout à l'heure, favoriser constamment la puissance de l'absurde. Enfin bref, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre patient cathartique, revenons immédiatement au sein du ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici « long corps chétif », t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques Kurt Cobainiennes. Alors comme d'habitude, c'est justement complètement absurde et totalement grunge, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouh, yeah, yeah, yeah. Ouais, je t'aime bien, Kurt Cobain. J'aime ta folie urbaine. Nous aussi, ici, on a un groupe de rock. On prend des balais pour faire des guitares. On branche une rallonge dans la prise et on saute sur les lits en hurlant. On fait des riffs de guitare et après, c'est des rives de biture. On est trois et comme on est de Nevers, on nous appelle les Nivernais. Tu vois, Kurt, c'est un hommage à toi et à ton groupe. Tu es notre idole, Kurt. Mais je suis triste quand je pense à ton amour pour la chanteuse Courtney Love, gâchée à cause de l'héroïne. Je me dis, shit, une fois de plus, la cam isole de force. Mais quand même, je préfère ceux qui font du rock à tous ceux qui font de la salsa à Cuba. Ouais, je le dis haut et fort, je préfère Kurt Cobain à la cohorte cubaine. Trop con, hein. Thank you. essayer d'Europe. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Et le ministère psychique a eu maille à partir avec l'insaisissable Kurt Cobain, mais c'est sans doute pour ça qu'on l'aime. Alors bien entendu, un destin de rockstar de légende, c'est à la fois sublime et douloureux, car ça finit jeune et mal, et dans l'ouragan fascinant d'une vie underground, il y a toujours un peu de souffrance. Je pars. Je pars comme une vieille chaussure oubliée dans le bowling. Je pars comme un vin du pied. Et pourtant, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je ne suis pas un mauvais bout. Il faut savoir se retirer. Un homme du monde doit savoir souffrir dignement. Messieurs, sachez que lorsque le chagrin vient à pointer, que l'amertume et la déception deviennent monnaie courante dans votre vie, il faut savoir souffrir avec élégance et rester digne de recevoir la compassion et l'amour de tous. Et pour ça, n'hésitez pas à en rajouter une petite dose sur le pathos. Ça touche toujours. Qu'on fasse entrer les putains, je vais me détendre. J'ai besoin d'une bonne dose d'amour. Ah, de l'amour! Ils en ont à revendre, les fans de Kurt Cobain, qui n'ont jamais vraiment réussi à transporter leur idolâtrie sur Pascal Obispo ou Christophe Maé. Voilà pourquoi le ministère psychique décide immédiatement de libérer Kurt pour qu'on puisse l'entendre encore. Allez hop, monsieur Cobain! Jouons à la Kurt Pie et faisons la Kurt Échelle pour atteindre le Nirvana! Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais... qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 30e consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin à ce qui se fait de plus grunge et jeune, le cas Kurt Cobain. Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même, remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Mathias Alléon, merci beaucoup Mathias, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaujolais et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et Elsa Denac, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous. Mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?